Aujourd'hui, dans Affaires sensibles et à la lumière de ce qui se passe en ce moment entre l'Ukraine et la Russie, retour sur l'assassinat de la journaliste russe Anna Politkovskaya à Moscou le 7 octobre 2006. Une mort sur ordonnance, tel était le titre de l'un des principaux journaux russes, le Kommersant, au lendemain de la mort de la journaliste, tuée par balle en bas de chez elle par un après-midi d'automne. Un titre qui en dit long sur le climat de suspicion qui règne autour d'un meurtre dont on ne connaît toujours pas, 16 ans plus tard, les commanditaires exacts. Mais on se souvient que dans la Russie du début des années 2000, Anna Politkovskaya était devenue dangereuse pour le pouvoir, car elle était la journaliste qui défiait le président Vladimir Poutine. Une insoumise qu'on ne pouvait pas arrêter avec des menaces. Travailleuse infatigable, elle était persuadée que le courage civique individuel finirait par avoir raison de l'État despotique. Connue dans le monde entier pour ses enquêtes sur les exactions russes en Tchétchénie, les violences dans l'armée, la corruption et les mensonges des responsables politiques, elle était devenue la figure de l'opposition médiatique. Elle l'opéra de sa vie. Notre invitée aujourd'hui, Manon Loiseau, journaliste indépendante et réalisatrice de documentaires, spécialiste de la Russie, elle connaissait personnellement Anna Politkovskaya, avec laquelle elle collaborait fréquemment. Cette émission a été diffusée une première fois le 2 septembre 2015 et aujourd'hui, avec la même invitée, nous allons aborder l'actualité, essayer de mieux comprendre ce qui a poussé Vladimir Poutine et la Russie à envahir l'Ukraine jeudi dernier. Affaires sensibles, une émission de France Inter, connectée cette semaine à l'actualité. Récit documentaire Adrien Cara, coordination Christophe Barrère, réalisation Fabrice Lègle et Stéphane Combe. Fabrice Drouel, Affaires sensibles. Sur France Inter. Moscou, samedi 7 octobre 2006. Il est 16h. Une voiture se gare devant le numéro 8 de la rue Lesnaya, dans le nord-est de la ville. Quelques instants plus tard, une femme de haute taille, âgée d'une quarantaine d'années, la démarche assurée, cheveux gris, fine lunette, en descend. Les traits de son visage traduisent la fatigue et l'anxiété. Elle récupère les sacs de course dans le coffre de son véhicule, puis s'engouffre par le portail de son immeuble, les bras chargés de provisions. Sans doute préoccupée par ses contrariétés, elle ne remarque pas à ce moment-là les trois individus qu'il observe de l'autre côté de la chaussée. Arrivée à la porte de son appartement, au 7e étage de l'immeuble, elle dépose ses sacs sur le paillasson, puis appelle l'ascenseur pour redescendre au rez-de-chaussée et récupérer le reste de ses achats. Au même instant, deux hommes en noir pénètrent discrètement dans le hall d'immeuble. L'un se poste dans la cage d'escalier, l'autre près de l'ascenseur. Tous deux semblent attendre quelque chose, ou plutôt quelqu'un. Les minutes passent, puis soudain la porte de l'ascenseur qui redescendait s'ouvre et sa lumière éclaire le rez-de-chaussée. À peine la femme qui l'empruntait pour aller rechercher ses courses a-t-elle eu le temps d'en sortir qu'un des deux individus braque sur elle un pistolet muni d'un silencieux. Il tire à plusieurs reprises, la femme s'effondre. 5 minutes plus tard, une habitante de l'immeuble découvre le corps ensanglanté dans le hall. Elle prévient immédiatement les secours. Mais à leur arrivée, les médecins ne peuvent que constater le décès. Pour la police, il s'agit d'un nouveau meurtre, sans doute crapuleux, comme il y en a tous les jours à Moscou. Point. Au même moment, le président de la Fédération de Russie, Vladimir Poutine, est en visite sur les rives de la mer Baltique à Saint-Pétersbourg, à 700 km de là. Ville des stars, ville de Pierre le Grand, mais également ville natale du président russe, c'est ici qu'il a fait ses classes au sein du KGB, le service de renseignement de l'URSS. Saint-Pétersbourg, une ville où le président aime venir se ressourcer. D'autant plus que ce jour-là, c'est son anniversaire, le 54e. Et c'est ce jour-là qu'on lui annonce la mort de l'une des principales journalistes d'investigation russe, tuée quelques heures plus tôt à Moscou. En effet, vers 18h, les programmes des chaînes d'information russes sont interrompus par des flashs spéciaux. La personne tuée dans le hall de son immeuble plus tôt dans l'après-midi dans le centre de Moscou n'était pas une anonyme, non. C'était une journaliste, et pas n'importe laquelle. « Mesdames, Messieurs, bonsoir. Dans l'actualité de ce jour, nous parvient une nouvelle tragique en provenance de Moscou. En effet, on a retrouvé le corps sans vie de la journaliste Anna Politkovskaya, en bas de chez elle. Sur place, on a également retrouvé un pistolet et quatre doubles. Anna Politkovskaya était une des journalistes les plus intrépides de Russie, une des rares qui n'avait pas peur de critiquer le pouvoir pour défendre ses idées. Les révélations qu'elle avait faites dans ses livres et ses nombreux articles sur la guerre en Tchétchénie avaient fait couler beaucoup d'encre et avaient provoqué un début de scandale en Russie. Quatre jours plus tard, alors qu'il est en déplacement en Allemagne, Vladimir Poutine, qui tentait de minimiser l'affaire en ne faisant aucune déclaration publique, réagit enfin au micro de la télévision russe NTV. Oui, il est vrai que cette journaliste avait pour habitude de critiquer les autorités fédérales. Je pense donc qu'elle devait savoir que ce qu'elle écrivait ne pouvait pas rester sans conséquences. Mais je vous rassure, son degré d'influence sur la vie politique en Russie était minime. Cette intervention du président russe est à l'image de sa politique en matière de liberté de la presse et de droits de l'homme. Ici s'exprime tout son mépris, son cynisme et l'arrogance dont il fait preuve à l'encontre des journalistes et plus particulièrement contre ceux qui, comme Anna Politkovskaya, n'entrent pas dans le rang et se permettent de critiquer sa politique. Ici, dans une histoire dont les détails font d'abord songer au scénario d'un mauvais film d'espionnage et dans laquelle l'implication du Kremlin se dessine, la question arrive comme par réflexe. Qui se cache derrière le meurtre d'Anna Politkovskaya le 7 octobre 2006 à Moscou? Et surtout, pourquoi l'a-t-on assassinée? Comme souvent, il faut remonter en arrière, dérouler le fil, revenir 7 ans plus tôt, à une période où la Russie était empêtrée dans une guerre fratricide et sans issue dans la région du Caucase. 25 décembre 1999, Grozny. En ce jour de Noël, la neige tombe sur la capitale tchétchène, recouvrant les stigmates des derniers bombardements. Au loin, résonne encore le bruit des sirènes d'alerte et des bruits sourds de tirs à l'arme automatique. Voilà 4 mois, en effet, que cette petite république grande comme 2 fois la Corse, située dans la région du Caucase, entre la mer Noire et la mer Caspienne, est frappée par la guerre. 3 ans après le premier conflit qui avait opposé les Tchétchènes aux Russes, le Kremlin a décidé de repartir en croisade contre les terroristes qui utiliseraient cette région comme base arrière pour commettre des attentats meurtriers à Moscou. Mais il apparaît très vite aux yeux de la communauté internationale que cette guerre contre des ennemis d'autant plus invisibles qu'ils se fondent dans la population ne peut déboucher que sur un massacre des populations civiles. Preuve en est, Grozny, pilonné jour et nuit par l'aviation russe, ressemble désormais à un cimetière à ciel ouvert. Les rues désertes ne sont plus délimitées que par un paysage d'immeubles en ruine, un peu comme le fut Sarajevo en Bosnie 7 ans avant. Les ONG recensent plus de 4000 morts et 8000 blessés parmi les civils. De son côté, le Haut Commissariat aux réfugiés, le HCR, estime que ce ne sont pas moins de 200 000 Tchétchènes qui fuient vers l'Ingouchie, une république voisine. Présents sur place, les reporters de France Inter, Nicolas Poincaré et Laurence Simon sont les témoins de ces scènes d'horreur. La rue numéro 4 dans le quartier Oktyabrskaya à Grozny, c'est dans le centre. C'est là qu'habitait Raïsoun Dadaïev, père de famille de 40 ans, il y a 2 jours encore. Il en est sorti vendredi à pied à 4h du matin sous les bombes. Aujourd'hui, il est réfugié dans une tente, les pieds dans la boue, en Ingouchie. Il y avait les bombes, la faim, il y a maintenant la neige. Côté Ingouche, des centaines de voitures attendent toujours de passer depuis 7h ce matin dans une cohue indescriptible. On contrôle simplement les passeports comme dans n'importe quel pays du monde, explique un colonel russe. Mais Mougamad a 67 ans, il veut aller rechercher ses enfants pris au piège là-bas, à 2 km. Il n'y a plus d'hôpital à Grozny. Quand on demande à ce père de famille ce que deviennent les blessés graves, il répond sans émotion, eh bien il meurt. De l'autre côté donc, Rosa raconte que les enfants ont froid, que l'on se cotise 1 rouble par famille pour acheter du pain, mais que les Russes ne veulent pas les approvisionner. Dans la rue numéro 4, il n'y a plus d'eau, ni d'électricité, ni de chauffage, plus aucun magasin ouvert pour faire ses courses. Raïsoun Dadaïev parle de la solidarité des voisins qui se partagent ce qui leur reste de nourriture. Des rumeurs les plus folles circulent ici. L'armée russe séparerait les hommes, les femmes et les enfants qui seraient seuls autorisés à franchir la frontière. Les troupes fédérales ont eu tout le temps, depuis 12 jours, de vérifier l'identité de tous les réfugiés. Malgré les abominations quotidiennes qui s'y déroulent à seulement 2h30 d'avion de Moscou, où on ne trouve sur place aucun journaliste russe. En réalité, les médias de ce pays évitent de s'intéresser au conflit, et quand ils en parlent, c'est à travers le prisme de la politique de Moscou. Bref, silence sur une réalité indicible. Les seules images reprises à la télévision sont celles de l'agence de presse RIA Novosti, qui dépend du ministère russe de l'information. Et pourtant, lorsqu'on interroge les habitants de Grozny, certains disent avoir rencontré une journaliste russe, oui, une femme aux cheveux gris, aux petites lunettes rondes, qui est venue jusqu'à chez eux pour les écouter et qui disait vouloir les aider. On raconte même qu'en plein bombardement, elle aurait aidé à évacuer des pensionnaires de l'asile de Veillard pris dans la tourmente. Tout le monde semble connaître le visage de cette femme russe sans forcément savoir son nom. Aussi, il est nécessaire de leur présenter la photo de l'envoyé spécial du journal Novaya Gazeta, l'un des rares journaux d'opposition en Russie, pour enfin avoir confirmation. Cette journaliste présente en Tchétchénie depuis un mois, c'est Anna Politkovskaya. Mais comment cette jeune mère de famille d'origine ukrainienne, diplômée de la faculté de journalisme de Moscou, s'est-elle retrouvée là? Anna Politkovskaya, de son nom de jeune fille, Anna Stepanovna Mazepa, et que ses proches surnomment affectueusement Anya, est typiquement une enfant de la glasnost, la politique de transparence, et de la perestroïka, la politique de la restructuration de Gorbatchev. Née aux États-Unis en 1958, de parents travaillant pour le corps diplomatique soviétique aux Nations Unies, elle a eu la chance de grandir dans le milieu très privilégié de la nomenclatura, l'équivalent chez les communistes de la haute société occidentale. Passionnée de littérature et principalement de l'œuvre de Tolstoï, elle suit des études de journalisme à l'université, puis commence à travailler au début des années 80 dans les Izvestia, le journal du Soviet suprême. Mais très vite, elle dénote, car elle ne supporte pas le conformisme de la rédaction. Se prenant de passion pour l'enquête, elle change de publication et travaille pour les journaux qui critiquent ouvertement le nouveau président de Russie, Boris Yeltsin. Rapidement mariée à Alexandre Politovsky, un journaliste engagé lui aussi, elle portera désormais le nom d'Anna Politkovskaya et devient mère de deux enfants. Journaliste à la Novaya Gazeta, elle se porte volontaire pour partir en ce mois de décembre 1999 dans un pays qu'elle ne connaît pas, la Tchétchénie, qui vit un enfer et qu'elle appellera le déshonneur russe. Alors, Anna Politkovskaya raconte le martyre des civils sur place. Elle écrit l'histoire de tous ces gens qui sont arrachés de leur maison au milieu de la nuit et qui ne reviennent jamais. De ces hommes alignés au bord de la route et battus à mort par des soldats russes ivres. Ou encore, l'histoire de ces exécutions sommaires dont on dit qu'elles ont lieu parfois en pleine ville. Elle raconte l'histoire de ces milliers de réfugiés affamés qui s'entassent dans des camps froids et humides à la frontière avec l'Ingouchie voisine. Une accumulation de violations des droits de l'homme que le Kremlin voudrait ne pas ébruiter. Et c'est ainsi qu'au fil des jours, le travail d'Anna Politkovskaya va la placer dans le camp des ennemis du pouvoir. Très vite, à travers le témoignage des centaines de personnes qu'elle rencontre, la journaliste va mettre le Kremlin face à ses responsabilités et face à ses démons aussi. Elle relate les multiples crimes de guerre commis par l'armée russe sur les populations locales, meurtres, viols, violences et raquettes. Mais aussi, elle révèle les exactions commises au cœur même de l'armée russe. Oui, des pratiques de bizutage et de persécution d'une rare violence qui jusqu'alors était passée sous silence. Tout juste parlait-on de rumeurs. Preuve en est, cet enregistrement réalisé par Dorothée Oliéric pour le magazine Envoyé spécial dans un foyer d'entraide où un père raconte comment il a aidé son fils à déserter pour le protéger. Pourquoi êtes-vous allé chercher votre fils ? Qu'est-ce que je pouvais faire d'autre ? Si je ne l'avais pas fait, il serait invalide. Si je n'y étais pas allé, c'est dans un cercueil que je l'aurais récupéré. Et je ne voulais pas de ça. Donc vous êtes allé là-bas ? Oui. J'ai pris la décision à 100% de le faire déserter. Est-ce qu'il y a eu des tentatives de viol ? Oui. Oui, mon fils m'a raconté ça. Oui, c'est vrai. Ça t'est arrivé à toi ? Oui. Mais ils n'y sont pas arrivés. Si vous n'étiez pas allé le chercher, qu'est-ce qui serait arrivé ? C'est Dieu qui m'a dit « va le chercher ». J'étais à bout de nerfs. J'aurais pu tuer quelqu'un. Quand on te traite comme ça, tu es capable de tout. La maltraitance dans l'armée russe en 1999, c'est au quotidien la violence, la torture, les brimades, les bastonnades, voire les électrocutions dans les casernes d'appelés ou dans les camps d'entraînement. Selon Novaya Gazeta, ce fléau toucherait un appelé sur trois, soit près de 30 000 jeunes soldats. Malgré les efforts d'Anna Politkovskaya, le sujet est tabou en Russie. L'armée reste l'armée avec sa gloire passée, ses symboles et son silence. Alors, rares, oui rares, sont ceux qui osent parler par peur des représailles. Pourtant, c'est à eux que va s'adresser Anna Politkovskaya, car la journaliste veut comprendre et surtout, elle veut pouvoir dénoncer avec des preuves. Au fur et à mesure de ses articles, se dessine une terrible réalité. Ce que l'on fabrique en Tchétchénie avec ces jeunes soldats qu'on envoie sur le champ de bataille, c'est le visage violent de la Russie de demain. La journaliste parle même d'un syndrome tchétchène. Et tout cela l'a conduit naturellement à mettre au banc des accusés Vladimir Poutine, incapable selon elle de remettre en question sa politique militaire, qui en Tchétchénie est un véritable désastre. Nous sommes en 1999, Anna Politkovskaya vient de mettre le pied dans un engrenage qui va conduire à son assassinat, 7 ans plus tard. Nous supplions les forces de l'ordre de ne pas donner l'assaut. Nous écoutons les commentaires et nous avons peur. Nous avons l'impression qu'on nous a condamnés. Nous voulons vivre. Nous voulons que les gens descendent dans la rue et qu'ils demandent le retrait des troupes russes en Tchétchénie. Surtout qu'on ne tire pas sur les combattants tchétchènes pour qu'il n'y ait pas d'action et qu'ils ne considèrent pas ça comme une agression. Ne nous abandonnez pas, l'ambiance ici est extrêmement tendue. Mercredi 24 octobre 2002, théâtre de la Dubrovka, Moscou. Scène de cauchemar, en plein cœur de la capitale moscovite. Voilà presque 24 heures que quelques dizaines de mètres plus loin, à l'intérieur du théâtre, se déroule une prise d'otage sous l'œil des caméras du monde entier. La veille, en plein spectacle, un commando d'une quarantaine d'individus, cagoulés et armés de Kalachnikov, a fait irruption sur scène et retient désormais près de 800 personnes, dont 70 enfants. Se revendiquant tchétchènes, ils n'ont qu'une exigence, que les troupes de l'armée russe quittent immédiatement le territoire de la petite république de Tchétchénie et que des négociations de paix s'ouvrent enfin après 3 ans de combat. Les négociations commencent, mais personne ne veut céder. Au Kremlin, Poutine se tait, et pour cause. Ce qui se passe à quelques centaines de mètres de la place rouge est un camouflet pour lui. C'est la preuve indéniable de son échec en Tchétchénie qu'il a envahi et qui lui revient en pleine face, comme un boomerang. Vers 11h, le commando qui menace de faire sauter le théâtre demande à parler à plusieurs intermédiaires, dont certains sont membres de l'opposition politique. Mais il demande aussi à pouvoir converser avec la journaliste Anna Politkovskaya. Car depuis les débuts de la guerre, en Tchétchénie, elle est devenue l'enquêtrice la plus utile pour tous ceux qui veulent résister à Poutine, qu'ils soient russes ou tchétchènes. Mais là, Anna franchit la ligne symbolique entre le journalisme et la participation aux événements qu'elle couvre. La journaliste joue désormais sur deux tableaux. Arrivée sur les lieux, elle dialogue une heure et demie par téléphone avec le chef du commando. Mais elle ne sait pas qu'à quelques mètres de là, le ministère de la Sécurité a déjà fait un autre choix, celui d'un assaut du théâtre par le commando Alpha du FSB. L'affaire de la Dubrovka doit servir d'exemple. Dans la soirée, la journaliste est remerciée. Le lendemain matin, la police donne l'assaut dans une confusion totale. Des coups de feu sont tirés, puis on entend plusieurs explosions. Personne ne sait exactement ce qui se passe. Un quart d'heure plus tard, les premiers otages sont libérés. Certains sont portés, d'autres sont emmenés dans des bus. Pour certaines familles, bien sûr, c'est le soulagement. Oh, ma Nathalie, ma fille, tu es vivante. Tu m'as tant manqué. J'ai senti qu'il y avait du gaz, j'étais étourdi, j'ai entendu des coups de feu, mais qui tirait sur qui, je ne sais pas. J'ai sombré et me suis réveillé à l'hôpital. On m'a dit que j'étais intoxiqué au gaz, quel gaz, je ne sais pas, mais que c'était pas grave. Vraiment pas grave. Moi aussi j'ai senti le gaz, mais je ne me suis pas endormie, j'étais vaseuse, un peu bizarre. J'ai vu les femmes tchétchènes s'écrouler d'un coup, et puis on m'a portée, on m'a transportée, on m'a tenue, on m'a emmenée dehors, mais je ne comprenais pas ce qui se passait, et à vrai dire, je ne me souviens pas très très bien. On est tellement heureux de la retrouver, c'est ma femme, mais notre belle-fille est toujours dans le coma et on ne sait pas si elle sera sauvée. En réalité, l'assaut a été un carnage. Le bilan dépasse les 150 victimes et il y a 500 blessés. Les terroristes, eux, sont tous morts. Les blessés ont été achevés d'une balle de Kalachnikov dans les tympans. Et puis, très vite, les rumeurs se multiplient. Les commandos russes auraient utilisé du gaz pour neutraliser les terroristes, un gaz inconnu qui serait à l'origine de la mort par asphyxie ou de l'intoxication des otages. Dans les jours qui suivent, la polémique enfle sur l'usage de ce produit présenté par le chef de la police de Moscou comme incapacitant, mais non létal. D'autant qu'à la lecture des analyses de sang de certains survivants, des journalistes britanniques avancent l'hypothèse que les forces spéciales russes ont utilisé ce jour-là, en plein cœur de Moscou, un dérivé du gaz sarin hautement toxique, mortel. Alors, le Kremlin était-il prêt à sacrifier des otages pour sa démonstration de force ? Oui, répond Anna Politkovskaya, cela ne fait aucun doute. De passage en France, pour parler de son nouveau livre sur le plateau de Tout le monde en parle, face à Thierry Ardisson, elle revient sur cet assaut. Le 25 au soir, tard le soir, quelques heures avant l'assaut, il y avait une réelle possibilité de se mettre d'accord parce que les exigences étaient très simples. Et deux, trois de ces conditions, eh bien, on pouvait les remplir très, très rapidement et on aurait pu libérer tous les otages et éviter toute l'horreur qu'on a vue après, le gaz, la mort de centaines de personnes, dont certaines de mes amies. Mais tard le soir, le 25, malheureusement, j'ai compris que les gens du côté fédéral, si je puis dire, ont perdu tout intérêt pour des négociations, n'avaient plus besoin de mes efforts, n'avaient plus envie de mener des négociations et voulait justement mener l'assaut. Dans les jours qui suivent, le journal pour lequel travaille Anna Politkovskaya, Novaya Gazeta, interroge des survivants et dénonce une tuerie délibérée. Les locaux du journal sont perquisitionnés, les journalistes menacés. Pour Anna Politkovskaya, qui avait déjà subi des pressions par le passé, c'est le début de la descente aux enfers. Deux ans plus tard, arrivera un premier avertissement cinglant contre la journaliste. Comme une tragédie qui se répète, en septembre 2004, à Beslan, en Ossétie du Nord, une zone proche de la Tchétchénie, un groupe de combattants tchétchènes s'enferme dans un gymnase avec plus d'un millier d'otages, en grande majorité des enfants. Immédiatement, Anna Politkovskaya tente de se rendre sur place et se propose comme négociatrice. Mais le Kremlin ne l'entend pas de cette oreille et le lui fait comprendre en l'empêchant de monter dans l'avion pour l'Ossétie. Ensuite, alors qu'elle prenait un autre vol pour Rostov-sur-le-Don, une ville située à mi-parcours, elle tombe dans le coma et échappe de peu à la mort. Une syncope d'autant plus inexpliquée que ses examens sanguins seront détruits par inadvertance. Premier avertissement, tentative d'assassinat par empoisonnement comme le KGB le faisait avec les dissidents à l'époque de l'Union soviétique. Pas de réponse sur ce point évidemment, mais ce jour-là, Anna Politkovskaya est passée à un cheveu de la mort. Sur place à Beslan, dans les jours qui suivent et dans des conditions qui restent obscures, l'assaut des forces spéciales est donné. Et comme pour celui du théâtre de Dubrovka, il tourne massacre et fait près de 300 morts, principalement des enfants. Mais pour Vladimir Poutine, pour qui la guerre est avant tout une guerre d'image, l'honneur est sauf, car tous les terroristes sont morts. Moscou, 5 octobre 2006. À la rédaction de la Novaya Gazeta, Anna Politkovskaya est à son bureau. La journaliste prépare un article sur la torture couramment pratiquée dans le Caucase et sur le cas particulier d'un Tchétchène, Beslan Gadaïev, contraint d'avouer sous les coups 3 meurtres qu'il n'a pas commis. La journaliste est en retard dans son travail et de surcroît, elle a promis à l'un de ses amis de Radio Liberté de lui accorder une interview pour expliquer le sens de son article. Des raisons sur lesquelles elle revient également devant la caméra de son amie Marina Goldovskaya. Cette guerre a duré près de 3 ans. Pendant toute cette période, j'ai essayé plusieurs choses. Aller vivre en Tchétchénie et rencontrer les gens. Oui, plein de choses différentes. Aujourd'hui, je me sens profondément en colère. Parce que je réalise que pendant ces 3 années, grâce à tous les impôts que nous payons, notre armée se livrait aux pires tortures médiévales sur tous ces gens qui étaient l'objet de leur fureur. Cet article incrimine autant les forces russes que le nouveau président tchétchène Ramzan Kadyrov, qu'elle accuse ouvertement de n'être qu'un petit tyran à la solde de la Russie, parrain d'une mafia financée par Moscou, qui voit en la personne d'Anna Politkovskaya un témoin de plus en plus gênant. Ce qui est inquiétant, c'est que des meurtres de journalistes, il y en a eu déjà 13 depuis l'arrivée au pouvoir de Vladimir Poutine en 2000. Alors quand vient le jour où elle est retrouvée assassinée par balle, le 7 octobre 2006, en bas de son immeuble, tous les regards, oui tous, se tournent vers le Kremlin et vers Vladimir Poutine. Et puis la méthode utilisée laisse penser à une implication des autorités russes dans ce meurtre. Rue Lesnaya, sur le lieu de son assassinat, les experts retrouvent 4 douilles de Makarov 9 mm à quelques mètres du corps de la journaliste. Un peu plus loin, l'arme du crime est là, elle aussi, bien en évidence, comme si tout était fait pour remonter jusqu'au coupable. Premier détail étonnant, l'arme utilisée est un pistolet très répandu en Russie puisqu'il équipe les militaires, la police et les agents du FSB. La méthode, ensuite, est digne des grandes années du KGB. Parmi les projectiles mortels, l'un est logé en plein centre du front, l'autre en plein cœur. Cette signature, dite de la double mort, celle de la mort intellectuelle et celle de la mort physique, a été pendant des années la marque de fabrique des agents soviétiques lors de leurs opérations d'élimination. Voilà, comme ça c'est clair. Mais qui a tiré ? Un an plus tard, malgré les effets d'annonce à répétition, l'enquête traîne et semble jamais pouvoir aboutir. Le Kremlin, de son côté, est sans doute pour se dédouaner de toute implication, tente de faire porter la responsabilité de l'assassinat sur les oligarques expatriés tels Boris Berezovsky, qui sera lui-même assassiné plus tard. Une manière d'évoquer ou d'inventer la main d'étranger et la volonté de déstabiliser Vladimir Poutine. Pour Robert Ménard, président à l'époque de Reporters sans frontières, il s'agit d'un meurtre téléguidé. Le problème, c'est que les Occidentaux ne disent absolument rien, Monsieur Poutine. Ils n'osent rien lui dire. On a tellement besoin de lui, ou on pense qu'on a tellement besoin de lui, que tout le monde se tait. Cet assassinat de cette journaliste, c'est pas comme ça un éclair dans un ciel bleu. Il y a toute une série d'assassinats ces derniers mois de gens qui gênent le Kremlin. Elle les gênait particulièrement parce qu'elle montrait du doigt ce qui se passait en Tchétchénie. Et en plus, elle était en train de faire une enquête sur la torture en Tchétchénie. Vous imaginez si ça gêne Monsieur Poutine et ses amis. Preuve de cette gêne, il y a aussi cette sombre histoire d'enlèvement dont elle a été victime en Tchétchénie en 2001. Un enlèvement par les militaires russes qui l'ont séquestrée pendant 48 heures. Mais Anna restait une insoumise, malgré tout. Pour les enquêteurs, les soupçons visent principalement un groupe de Tchétchènes pro-russes qui auraient agi en liaison avec des agents ou des anciens agents des services de sécurité. En août 2007, un an plus tard, une première vague d'arrestations conduit à la mise en détention d'une dizaine de personnes, parmi lesquelles d'anciens responsables du FSB, les services russes de sécurité intérieure, descendants du célèbre KGB. Pour Dimitri Mouratov, rédacteur en chef de la Novaya Gazeta, ce sont à coup sûr des agents des services de sécurité russes qui ont organisé et coordonné le meurtre. Il en est d'autant plus sûr qu'il connaissait les menaces dont était victime la journaliste. Et puis, à plusieurs reprises, elle lui avait confié que s'il lui arrivait quelque chose, il fallait chercher du côté du Kremlin. En novembre 2008, s'ouvre le procès à Moscou. Fondé sur une enquête incertaine, les audiences n'apporteront pas les éclairages nécessaires à l'établissement de la vérité, comme on dit en langage judiciaire. Et au bout du compte, les quatre exécutants présumés, parmi lesquels figure un membre de la police criminelle de Moscou et un ancien agent du FSB, sont acquittés tous. Mais le verdict sera annulé par la Cour suprême, un camouflet pour la justice russe, un échec patent selon le Conseil de l'Europe, à l'image d'ailleurs de toute cette affaire et de cette procédure judiciaire bâclée de bout en bout. En 2012, l'ancien policier Dimitri Pavlyuchenkov, accusé d'avoir localisé Anna Politkovskaya et fourni l'arme pour l'assassiner, est condamné à 12 ans de prison. Puis lors d'un grand procès en 2014, l'organisateur et l'exécutant du meurtre de deux hommes d'origine tchétchène sont condamnés à la prison à vie. Trois autres complices sont également emprisonnés. Pour les autorités russes, dès lors, justice a été rendue. Pourtant, aujourd'hui encore, 9 ans après les faits, personne ne sait réellement qui sont les commanditaires. S'agit-il d'agents du FSB, proches du pouvoir et donc protégés ? S'agit-il du président tchétchène, Ramzan Kadyrov, qui voulait vouer une haine sans limite à la journaliste ? Et surtout, quid du rôle de Vladimir Poutine dans cette affaire ? Poutine, qui avait lui-même déclaré aux médias français avoir le contrôle absolu sur toutes les opérations de ses services, pouvait-il ignorer cet assassinat en plein Moscou ? Autant de questions, aujourd'hui sans réponse. Mais il reste l'œuvre de la journaliste, des centaines d'articles, des dizaines de reportages documentés, plusieurs livres de témoignages, autant de preuves à charge contre le système Poutine à jamais inscrites dans l'histoire. Ce qui permet de dire, à titre de consolation, si tant est que cela soit possible, qu'Anna Politkovskaya n'est pas morte pour rien. Il est impossible pour moi de rester sans réagir tandis qu'un long hiver de glace s'installe en Russie. Que les lois, nos droits et nos libertés individuelles soient bafoués par un État et un pouvoir plus tyrannique que jamais. Comment faire pour continuer d'être libre ? Comment leur faire comprendre qu'ils ne pourront jamais nous asphyxier ? Sur qui pouvons-nous compter pour nous aider ? Face à ces questions, je ne sais pas si l'avenir saura nous apporter des réponses, mais je sais que moi, Anna Politkovskaya, ils me trouveront toujours sur leur chemin. France Inter, Affaires sensibles. Aujourd'hui, le meurtre de la journaliste russe Anna Politkovskaya, dont nous allons parler avec notre invitée Manon Loiseau. Bonjour. Bonjour. Lauréate du prix Albert Londres, spécialiste de la Russie. Vous avez réalisé de nombreux documentaires au pays de Poutine, mais aussi en Tchétchénie. Vous vous êtes rendue plusieurs fois au cœur de cette guerre barbare d'une violence inouïe. Je rappelle que vous étiez déjà notre invitée lors de la première diffusion de ce récit en 2015. Et je rappelle que vous connaissiez personnellement Anna Politkovskaya. Kaya, quel souvenir vous en gardez? Vous gardez de l'être humain, la femme? Une femme forte, digne, courageuse évidemment, et totalement investie dans sa passion de son métier et au-delà de ça. Mmh. C'est-à-dire que pour elle, enfin, c'est ce qu'elle nous disait toujours, mais qui quelque part, enfin, elle a souvent été un modèle pour moi, mais c'est quelque part, elle me disait, une fois que l'article s'arrête, une fois que j'ai fini d'écrire, en fait, c'est là que ça commence pour moi. C'est-à-dire que c'est accompagner les gens dont j'ai fait sortir les voix, essayer de les aider, dans leur combat contre l'armée, pour essayer de faire reconnaître les crimes. Voilà. Donc elle était complètement dévouée à ça. C'était une personne profondément humaine et qui manque. Cruellement aujourd'hui en Russie, et je ne sais pas dans quel état elle serait aujourd'hui en voyant ce qui se passe en Ukraine. Quelque part, elle l'avait prédit, écrit. Je pense que la nature du régime de Poutine, elle a été l'une des premières, et elle, jusqu'à sa mort, elle en a parlé avec une justesse inouïe et qui nous revient en pleine face aujourd'hui, avec ses relents de stalinisme. La preuve, dans ce livre que je tiens entre mes mains, elle dit, elle écrit. Donc 2005, hein, ce livre, un an avant sa mort. Pourquoi je n'aime pas Poutine? Parce que je ne veux pas vivre dans un état raciste où il est mortellement dangereux. Je dis mortellement dangereux d'être un Tchétchène, un Géorgien, un Noir, un autre. Je ne veux pas vivre dans un état où le pouvoir qui ne reconnaît aucune de ses erreurs est à la recherche d'ennemis intérieurs ou extérieurs. Les gens qui démontrent leur opposition au régime sont ouvertement traités d'ennemis intérieurs. Ils sont persécutés, contraints à l'exil, assassinés. D'ailleurs, le plus gros de tout cela se passe en province et pas à Moscou. Faire de l'opposition en province, dit-elle, c'est être un héros. Pour ce qui est de l'ennemi extérieur, la propagande anti-occidentale et surtout anti-américaine bat son plein. Je ne veux pas vivre dans un État qui est en pleine régression antidémocratique, qui retombe dans le stalinisme. Je m'arrête sur un dernier mot, le stalinisme. Mais tout est là, dans ce qu'elle a dit. Ouais. Aujourd'hui, on a un ennemi extérieur, inventé totalement par Vladimir Poutine, en disant qu'il parle de dénazification, d'opération, de restauration, de l'ordre, comme il disait à l'époque de la Tchétchénie. Mais là, il invente des crimes qui seraient commis par l'armée ukrainienne dans le Donbass. Il invente un ennemi extérieur et il crée une guerre qui nous menace tous. Et en attendant, à l'intérieur, et là, ce n'est plus qu'en province, il supprime l'association Mémorial, qui est une ONG créée par Sakharov, qui est la seule association qui a documenté tous les crimes du stalinisme. Dans cet immeuble, il y a toutes les archives des crimes de Staline et des crimes du régime actuel. Cette ONG a été liquidée par un tribunal russe avant Noël. Il va faire un deuxième procès à Alexandre Navalny, qui est en prison, donc le principal opposant à Poutine aujourd'hui. Il a hier, la justice russe a fait fermer Écho de Moscou, qui est une radio, la seule radio encore indépendante en Russie, qui résiste depuis 20 ans. C'est-à-dire, ça fait 20 ans qu'on dit c'est la seule radio indépendante qui existe encore. Il l'a fermée, ne peut plus émettre que sur Internet, et ça on ne sait pas pour combien de temps. Et Doge, qui est la seule télé indépendante, donc la seule voix indépendante qui existe encore, et on espère pour longtemps, c'est Novaya Gazeta, le journal d'Anna, où il y a plein d'enfants d'Anna qui ont poursuivi son travail avec un immense courage. Et Dimitri Mouratov, le directeur de la rédaction, a reçu le prix Nobel de la paix cette année. Et il y a deux jours, il a dit cette phrase terrible, il a dit « Aujourd'hui, le futur est mort ». Et je crois que je pense profondément, c'est terrifiant ce qui se passe. Les Russes se sentent très proches des Ukrainiens, comme les Ukrainiens des Russes. La plupart de mes amis russes ont de la famille en Ukraine. Et aujourd'hui, ces Russes-là, ils essayent de manifester, ils sont arrêtés par milliers. Hier, des enfants de 5 à 11 ans ont été arrêtés. Ils avaient une pancarte blanche et ils avaient déposé des fleurs devant l'ambassade d'Ukraine à Moscou. Ils ont été arrêtés. Et on a menacé leurs parents de leur priver leur autorité parentale, de placer leurs enfants dans des orphelinats. Donc on en est là. En même temps, il y a une vague... Il y a quand même de plus en plus de voix dissonantes qui se font entendre parce que quelque part, c'est la guerre de trop. Oui. C'est la guerre dont ne veulent pas des Russes. Beaucoup de Russes que je connais veulent partir, mais ceux qui restent disent non, on va... c'est pas en notre nom. On part en notre nom. Ça veut dire qu'il y a des voix qui détonnent et qui n'ont pas de notes, comme je disais tout à l'heure dans le récit, excuse me. Il y a des voix qui détonnent. Il y a la démission de directeur de théâtre. Il y a des prises de position de sportifs, d'acteurs, des gens qui n'ont... Il y avait les journaux d'opposition, les médias d'opposition, et puis beaucoup de jeunes qui s'informent par les réseaux sociaux, que autant de personnalités affichent publiquement leur opposition à cette guerre, c'est nouveau. Alors sur Internet, beaucoup de Russes mettent pas notre nom, non à la guerre. Mmh. Il y a aussi beaucoup de Russes qui mettent un drapeau russe et qui disent on ira jusqu'au bout, parce qu'il faut voir que donc en dehors de des villes principales, dans toute la province, c'est les chaînes d'État qui priment. Donc des informations totales. Des informations totales. Bien sûr. Là, je regardais tout à l'heure. En fait, là, la télévision d'État russe présente les bombardements sur Kharkiv qui me font penser, moi, aux images que j'ai vues à Grozny, c'est-à-dire de destruction totale. Mmh. Ils disent que c'est les Ukrainiens qui ont tiré sur les bâtiments pour faire croire au monde que ce sont les Russes, que tout ça est totalement une opération de fake news menée par l'Occident. Et en fait, les seules images qu'ils voient, ce sont des femmes russes avec des drapeaux russes qui accueillent les soldats russes comme des libérateurs dans le Donetsk. Donc c'est une fuite en avant. Après, jusqu'où ira Poutine, c'est la question qu'on a. Mais quelque part, en parlant à tous mes copains, enfin tous mes amis russes là aujourd'hui, demandent pardon aux Ukrainiens. On a dit on a honte. C'est en train de se répandre. Mais dès qu'il y a la moindre tentative de protestation, même avec une pancarte blanche, c'est une arrestation. La Russie aussi est en train de passer une loi pour vouloir rétablir la peine de mort. Donc on est dans quelque chose... Il y a tous les ingrédients d'une dictature, ça s'appelle une dictature agressive et qui devient folle. Est-ce que Poutine devient un peu fou? Je mets beaucoup de précautions dans cette question, parce qu'elle est un peu basique quand même, mais ça se dit. Est-ce qu'il perd son discernement? Dans son discours, et il a toujours eu un discours extrêmement guébiste, à l'époque où il parlait des Tchétchènes, où il fallait les anéantir dans la cuvette des chiottes, on s'en souvient tous, avec beaucoup d'élégance. Pour avoir couvert la guerre en Géorgie, où les tanks se sont quand même arrêtés à 70 km de Tbilissi, où il a finalement accepté les accords de paix et ensuite il y a eu il a quand même été à une certaine logique de montrer sa force et puis ça va s'arrêter. Là, on a l'impression, les images qu'on voit de lui, son discours et tel que les Russes le vivent et l'entendent, j'en ai parlé avec des amis russes, c'est il a changé de réalité. C'est-à-dire qu'il est dans quelque chose de totalement comme isolé dans une théorie du complot où l'Occident serait et l'Amérique voudrait anéantir la Russie. Beaucoup de Russes le croient, mais beaucoup de Russes ne le croient plus et il fait peur. Et il fait peur parce qu'on a l'impression qu'il y a quelque chose qui n'est plus, il n'y a plus de discernement. Donc, il parle de l'arme nucléaire, voilà, la plupart de mes amis aujourd'hui russes ont très peur parce qu'ils pensent qu'il est capable de tout. Et on le voyait d'ailleurs lors de la conférence de presse avec Emmanuel Macron. On a tous regardé la façon dont il se comportait, son regard, ses yeux. Il y avait quelque chose d'un peu inquiétant. On se retrouve dans 3 minutes, Manon Loiseau. On écoute Juliette Armanet, Vertigo. Je veux pas que tu vois que j'y vois que toi dans les deux, que je tiens plus très droit. Moi sans toi j'ai l'air un peu louche, mine de rien je tiens pas bien sûr mes touches. Qui m'écrase Madame Loiseau, qu'elle fût tsariste, communiste ou qu'elle soit aujourd'hui, la Russie a toujours connu des services secrets très puissants, une vraie police politique. J'imagine que là, avec les événements, c'est encore plus fort, la surveillance est encore plus dure. La surveillance est totale. Et c'est vrai que c'est le moindre... la moindre étincelle de résistance est tuée dans l'œuf tout de suite. Il faut voir jusqu'à quand ils vont pouvoir maîtriser des Russes dont beaucoup ne se reconnaissent pas dans la guerre du Kremlin. La guerre, c'est pas la guerre des Russes, c'est la guerre du Kremlin. Bien sûr. Et il y a beaucoup de victimes. On ne connaît pas encore, les Ukrainiens disent 6000 morts côté de l'armée russe, mais on n'en a aucune certitude. Ce qui est certain, c'est qu'il y a beaucoup de soldats russes qui sont morts, qui n'ont pas été envoyés pour prendre Kiev. On leur a dit, vous allez dans le Donetsk. Donc, quelque part, ça va aussi rappeler ce qui s'est passé en Tchétchénie, ou avant en Afghanistan. C'est-à-dire que, déjà, et là, en plus, ils se retrouvent face à des frères. C'est-à-dire que pour eux, les Ukrainiens sont des Slaves comme eux, ce sont des frères. Donc, est-ce que ces soldats russes, comment vont-ils se sentir on leur dit de tirer sur leurs frères. Et puis, il y aura ces cercueils, les fameux cercueils de zinc, dont a si magnifiquement parlé dans son livre Svetlana Alexievitch, qui vont revenir. Quelle va être la réaction de toutes ces familles, de toutes ces mères de soldats qui vont recevoir, quand les corps de leurs enfants reviendront? Il y a aussi la crise économique, donc, qui risque qui va toucher de plein fouet les Russes. Et les oligarques. Donc tout ça, ce sont des facteurs que, je pense, Vladimir Poutine n'a pas du tout mesuré, qui peut-être pensait qu'il allait pouvoir rentrer dans Kiev, faire tomber le régime et mettre quelqu'un qui lui serait favorable et puis repartir, tout en annexant le Donbass. Sans l'incroyable président Zelensky qui, je pense, ne rentre pas dans le paradigme de Vladimir Poutine. C'est-à-dire qu'il ne peut pas comprendre quelqu'un comme ça, qui est un ancien comédien, qui d'un coup galvanise une nation. Et en même temps, les Ukrainiens ont toujours été des grands combattants. Ils ont toujours su... je crois que, et là on parle aujourd'hui de cette fameuse colonne de tanks de 60 km qui manquerait de gaz, oui, qui n'arriverait plus à avancer. Problème logistique, ouais. Problème logistique. Tout ça, c'est quand même maintenant que commence. Ça part mal. Après, ce qui fait peur, c'est que sa rhétorique est de plus en plus guerrière et de plus en plus folle. C'est-à-dire que moins ça va, ou plus ça va mal, si j'ose dire, plus sa réaction pourrait être dangereuse et violente. Oui. Ça que vous voulez dire. Oui. Et une amie russe me dit, mais on a l'impression que c'est comme les dernières heures de Staline. C'est-à-dire que quand Staline était isolé comme ça, et c'est là qu'en fait, le pire se produit. C'est-à-dire que l'isolement, après 2 ans de Covid, où il a vécu dans un univers complètement paranoïaque, isolé de tout, on voit la manière dont il parle à l'autre bout de sa table avec son ministre de la Défense, la manière dont il a tensé le chef du FSB en public. C'est quelque chose vraiment qui rappelle Staline, qui fait peur, c'est l'intimidation. Et donc les Russes le vivent comme ça. Et je crois que c'est la grande peur de Russes, même qui aujourd'hui sont encore pro-Poutine, qui aujourd'hui se demandent jusqu'où il va nous entraîner dans cette guerre effroyable. En parlant de guerre effroyable, vous l'avez vu, la guerre en Tchétchénie, elle était absolument effroyable. Peut-on craindre que l'armée russe emploie les mêmes méthodes en Ukraine ? Totalement. Je pensais pas, et je pensais surtout pas Kiev, mais quand je vois non seulement que Kadyrov prépare plus de 10 000 hommes qui sont des mercenaires tueurs à venir pacifier le Kiev et l'Ukraine comme il l'a fait en envoyant ses bataillons à Alep pour aider Bachar al-Assad, quand je vois les armes qui sont employées et qui peuvent être employées en Ukraine, vraiment, moi, les images que j'ai vues hier de Kharkiv, c'est encore un coup de fait. Il y a une semaine, je ne pensais pas qu'il irait jusqu'à Kiev. Je pensais qu'il s'arrêterait au Donbass, que c'était quelque chose encore du rapport de force. C'était sans doute sans mesurer le fait que depuis 15 ans, je pense qu'il est il vit comme une humiliation. Il a l'impression que l'OTAN veut est un ennemi et il a l'impression d'avoir trop cédé. Et donc il y a vraiment quelque chose de l'ordre de la revanche et qui devient totalement irrationnel et surtout très meurtrière et très dangereuse pour nous tous. On a vu que l'essentiel des batailles, hormis la ville de l'Est, Kharkiv, où la bataille est la plus violente, et puis aux alentours de Kiev, c'est au sud que les Russes avancent. Poutine veut récupérer la bande sud de l'Ukraine pour un débouché sur les mers chaudes, c'est ça ? C'est souvent la stratégie. Et puis il est dans une logique de reconquête impériale. presse, est-ce qu'il s'arrêtera là, la grande question. Franchement, quand on voit les cartes et la manière dont aussi les Biélorusses rentrent, enfin voilà, c'est quand même quelque chose qui est. J'ose espérer que non. Rationnellement, ce serait non. Et est-ce qu'on est encore dans quelque chose de rationnel? Après, encore une fois, il n'a pas du tout mesuré la résistance du peuple ukrainien. Ouais. Et il n'arrivera pas. C'est quasiment impossible. Il y a toute la nation ukrainienne contre lui. Donc même cette armée puissante, dite deuxième armée du monde, ce qui restera peut-être à confirmer, mais s'enliser devant un peuple pour le coup, parce que c'est une armée à la fois, c'est une armée de soldats, puis c'est une armée civique ou civile, je ne sais pas comment on dit. Donc ça, c'est un cocktail qui peut vraiment empêcher... ou alors nous faire partir sur un conflit long. Peut-être aussi, ça peut s'enliser. Bien, Manon Loiseau, nous arrivons à la fin de cet entretien. Merci infiniment. Donc, merci, je rappelle que vous étiez là en 2015 et vous êtes là pour une interview actualisée. Et ce sera le même principe pour Affaires Sensibles jusqu'à vendredi autour de cette affaire grave entre la Russie et l'Ukraine. Merci, au revoir. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, l'assassinat d'Anna Politkovskaya, une émission que vous pouvez réécouter en podcast bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Louis Audebert.